Ce vendredi, à la vie en BD, suggestions de lecture et commentaires BD. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour explorer, comme à l'habitude, l'univers du 9e art. Et cette semaine, on l'explorera à coup de commentaires, de suggestions de lecture. Alors vraiment, là, de quoi commencer le mois de mars avec beaucoup d'idées en tête, beaucoup de bandes dessinées à mettre sur votre liste. On en jasera avec trois collaborateurs cette semaine, Stéphane Gravel, Marco Duchesne et Nicolas Fréret, qui seront avec nous donc pour nous partager quelques lectures. Je me permettrai d'en partager quelques-unes également. Alors, ça, c'est le menu pour la semaine. Donc, vous voyez, on a vraiment une ligne directrice aujourd'hui. Et sinon, dans l'actualité, quelques éléments. Notamment, on parle toujours de Charlie Hebdo, évidemment. Donc, le prochain Charlie Hebdo arrivera sous peu, après cette pause, suite au Charlie des survivants, suite, évidemment, à cette tragédie qu'on a connue au début du mois de janvier. Mais parallèlement, il y a aussi un millier de Charlie Hebdo qui ont été offerts au musée de la bande dessinée d'Angoulême, un Charentais à l'importe qui fait don au musée de sa collection entière de Charlie Hebdo depuis le premier numéro paru en novembre 1970 jusqu'au numéro des survivants. Donc on parle quand même de 1178 numéros qui sont par ailleurs en parfait état de conservation. Alors donc un fonds qui s'ajoutera à la collection quand même déjà assez imposante, je crois, du musée de la bande dessinée. On parle également d'adaptation de BD, adaptation tout d'abord en dessin animé, donc pour la série de bande dessinée de vulgarisation scientifique de Marion Montaigne, Tu mourras moins bête. Alors ce sera adapté en dessin animé pour Arte, c'est ce que révélait Allo Ciné il y a quelques temps. Donc ce sera produit par Agathe Film, Ex Nihilo et Folimage, une série au format de 3 minutes par épisode qui sera diffusée à la fin de cette année ou sinon au début 2016, avec la voix de François Morel pour celle du professeur Moustache. On verra évidemment le succès que ça aura, mais toujours chouette de voir en plus donc ce type de sujet-là aussi amené à travers la bande dessinée. Autre adaptation, la bande dessinée Last Man marche fort en librairie, évidemment. Le Fauve série lui a été décerné également au Festival d'Angoulême en 2015. Alors, les aventures de Marianne Adrian et Aldana, signées Balak, Michael Sans-la-Ville et Bastien Vivez, sont donc en cours d'adaptation, mais pour un jeu vidéo par le studio français Piranha King. C'est une adaptation qui sera intitulée Last Fight, un jeu de combat en 3D qui devrait sortir d'ici la fin de 2015 sur console et PC. Alors ben voilà, il y a d'ailleurs une petite bande-annonce qui a été rendue publique par Gameblog.fr. Si jamais vous voulez la voir, d'ailleurs, je l'ai relayée via notamment le Facebook, évidemment, de La Vie en BD, facebook.com/La Vie en BD, ou sinon mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Je fais état d'ailleurs sur le blog de manière un peu plus détaillée que ce que je vous en parlais en nom, donc je vous incite à aller lire tout ça. C'est dans le fond une situation assez triste du côté de l'Iran pour la poétesse Sepideh Jaderi, qui a été prise pour cible au fil de février des médias traditionnalistes d'Iran. En fait, le bleu est une couleur chaude, la BD de Julie Marot a causé des soucis à cette dame qui est la traductrice iranienne de cet album, donc une poétesse qui vit en République tchèque, qui s'est attiré les foudres de plusieurs médias conservateurs à cause de ce qui a été qualifié de soutien à l'homosexualité. Alors essentiellement, donc, elle a choisi, après avoir découvert la BD, de la traduire en persan, de la rendre disponible. C'est pas une édition qui a été faite en Iran. Évidemment, ce genre de matériel-là ne pourrait être publié dans ce pays. Ça a été édité à Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que Madame Jaderi a sorti par la suite un livre, un recueil de poèmes qui était édité, lui, du côté de l'Iran. récemment par un éditeur iranien. Et finalement, ben, apprenant que la poétesse a aussi traduit un livre qui était jugé comme étant impur, puisque l'homosexualité en Iran, ben, elle est passible de peine de mort. Eh ben, donc, ils ont menacé de faire fermer l'éditeur. Le responsable de la tournée promotionnelle de la poétesse a été renvoyé du musée où il travaillait. Évidemment, donc, le nom même de la poétesse est devenu tabou. Et bref, Julie Marot a fait un appel à l'attention médiatique en Europe autour de cette affaire. Ça a amené par la suite plusieurs médias d'un peu tous les pays à s'y intéresser, du moins tous les pays européens. Finalement, les menaces ont cessé. Le nom de Sepideh Djaderi est resté quand même tabou au pays, mais à tout le moins, donc l'éditeur n'a pas été fermé, il reste. Alors, une petite victoire autour de ça, une situation assez particulière et assez triste, évidemment. Et sinon, dernier petit clin d'œil, on parlait d'adaptation, eh bien, il y aura une série animée qui sera faite autour de la vie d'Hergé, Alexis Lavillette, dirigeant du studio d'animation Normal, qui avait déjà adapté les aventures de Snoopy pour la télé. Après avoir œuvré sur Gaston Lagaffe, a annoncé que le studio d'animation s'est entendu avec Moulinsart pour réaliser une fiction sur Hergé, mais aussi ses principaux personnages. Alors, il s'agit d'une fiction animée autour d'Hergé, de ses principaux personnages, donc pas seulement ceux de Tintin, mais aussi Quick et Fluke. Ça sera documenté comme lui-même le faisait pour ses albums. Trois épisodes de 52 minutes qui verront le jour dans l'affaire. Alors, ce sera au fin 2016, début 2017. Alors voilà pour ces petits clins d'œil. Et en musique, ben, cette semaine, on écoute toujours un peu dans saveur 8-bit, un peu plus expérimental cette semaine, pourquoi pas, avec la formation Poke 1170 tirée de leur album Vertigo. On en écoute un premier extrait. On termine donc ce petit extrait toujours sur les ondes du 89.1 CKRL. Et ben, je commence cette semaine en prenant un peu de temps pour moi justement pour vous partager quelques albums, quelques livres que j'ai eu l'occasion de lire et dont je tenais à vous parler. Sortie récente dans ce cas-ci pour commencer, ce n'est pas toi que j'attendais, un livre de Fabien Toulmé du côté de Delcourt qui ben, fait parler de lui quand même assez positivement d'ailleurs du côté de l'Europe et pour cause. C'est un regard solide, un regard émouvant sur le fait d'être parent, mais d'être parent d'un enfant qui est atteint de trisomie 21. Alors, évidemment, on peut avoir l'impression, en voyant le titre, donc d'une certaine orientation, puisqu'on dit en fait d'entrée de jeu, donc ce n'est pas toi que j'attendais, donc titre de cet album, en quatrième de couverture, mais je suis quand même content que tu sois venu. Alors, essentiellement, on se retrouve donc dans à travers le regard, dans le fond, de ce père, dont l'épouse est enceinte, donc il passe un premier examen du côté du Brésil, tout va bien, rien à signaler de ce côté, finalement décide d'aller vers la France, de revenir au pays, donc ils reprennent contact avec leur pays, du moins pour lui, pour elle, ben, le redécouvrir. Et donc poursuivre les examens, les échographies, les analyses, et toujours ben, on leur dit, regardez, ça va bien. Alors évidemment, il y a des tests qui nous permettent de déceler, dans le fond, voir s'il y a un taux de probabilité plus grand qu'un enfant soit atteint de trisomie 21. Si on a une réponse favorable au fait que justement il ne serait pas atteint de cet état, eh ben il y a toujours quand même une chance. Évidemment, on nous dit c'est un risque équivalent à celui de gagner à la loterie, au bout du compte. Alors, eux, ben justement, gagnent à cette loterie de la vie et ben sont placés devant cette situation-là inattendue pour eux. Donc, de cet enfant qui a ses particularités, qui est spécial, qui est que cette différence, justement, et ben les La première phase du livre, c'est la confrontation des parents et surtout du père face justement à cet enfant, face à cette surprise, face à ce qu'il reçoit au départ comme un coup difficile du destin, un coup dur du destin, complètement décontenancé face à ça. Donc, gros postpartum, si on peut dire, autour de tout ça. Et la deuxième partie, c'est lui qui apprivoise justement cette réalité, qui apprivoise aussi cet enfant qui est plein d'amour, qui est plein de vie, qui est plein de charme et qui devient par la suite confronté au regard que portent les autres sur cet enfant qui est spécial, sur cet enfant qui vit avec cette différence et donc lui comme parent le reçoit aussi et donc il devient confronté à ce qu'il avait décontenancé au départ mais à travers le regard de d'autres. Donc une évolution, si on peut dire, dans la perspective, dans l'appropriation, un témoignage sur finalement ces situations et sur le défi qu'elle représente, mais un défi qui est au bout du compte très malléable, puisqu'il dépend entièrement du regard qu'on porte sur cette situation-là, au bout du compte, et que les autres portent sur cette situation. Il nous fait, à un moment donné, un parallèle délicieux avec des situations du côté du Brésil, où on dit, un enfant qui arrive comme ça, avec cet état, on le reçoit un peu comme, pas comme un coup dur du destin, mais comme, au contraire, une preuve de confiance. Parce que on dit que si on a reçu cet enfant, eh bien, c'est parce qu'on est capable de relever le défi que ça représente d'accompagner dans la vie un enfant comme ça. Alors, c'est un peu un moment, une anecdote charnière, si on peut dire, justement, dans l'appropriation de la vie de famille que fait ce père et dans le regard qu'il va porter sur, justement, les défis qui s'en viennent. Évidemment, ça se passe pas comme à Hollywood, en 30 secondes, on change de perspective. C'est progressif, mais justement, ce livre a l'intelligence de détailler cette progression-là, de bien l'amener, de bien l'expliciter, de bien la développer, de bien nous permettre de comprendre, justement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vécu, les perspectives, les situations, et de pouvoir, de ce fait, bien accompagner aussi cette famille comme spectateur, au bout du compte, de ces dernières semaines de grossesse et ces premiers mois de vie, de vie familiale. Alors, ce n'est pas toi que j'attendais, c'est pas un livre qu'on apprécie ou qui nous frappe pour le côté graphique de la chose. En fait, le dessin est efficace, il est clair, il fonctionne, mais c'est pas le cœur du récit. En fait, le dessin est un peu là pour appuyer, au bout du compte, le texte, pour appuyer la narration. C'est un choix de langage, un choix de mise en scène qui nous permet justement de figurer les espaces, les lieux, mais ça reste quand même assez traditionnel, au bout du compte, comme dessin, là, qu'on l'a vu dans différents trucs. C'est peut-être moins efficace que d'autres, plus efficace que d'autres, donc ça reste très correct, mais de toute façon, ce dessin qui est correct, qui est efficace, qui fonctionne, et bien est appuyé par un récit qui est fort, par un récit qui est solide, par un récit qui est bien bâti, et au bout du compte, on s'immerge dans cette histoire-là, on en est ému doublement si on est en situation de famille, on prend conscience aussi peut-être d'une réalité qu'on connaît peu ou qu'on connaît pas, à laquelle on est peut-être moins souvent confronté aussi. On comprend donc la réalité, on comprend la réalité des premiers mois. Alors ça devient aussi une ressource quand même assez intéressante à ce titre. Alors donc vraiment, un livre qui mérite largement d'être lu, je pense, autour justement de cette histoire. Donc en bref, là, un graphique qui est simple, qui est informatisé, qui est classique, qui est sans prétention, mais le cœur du récit qui est vraiment dans l'irréaction, dans le récit, dans les émotions qui sont vécues, des émotions brutes, des émotions brutales au départ, et ensuite donc une fragilité qui est explicitée à travers ça, et un processus émotif qui est riche. Alors ben voilà, donc vous comprendrez que je n'ai pas de gêne à vous recommander joyeusement cette lecture. Alors je vous rappelle, donc c'est de Fabien Toulmé, « Ce n'est pas toi que j'attendais », c'est aux éditions Delcourt, une belle brique de manière générale. Et je terminerai en disant qu'à la fin, justement, il nous propose des photos de cette fille qu'il a eue, de sa Julia, et ça nous permet de faire le pont un peu vers l'intimité, parce que le dessin nous garde un peu, je dirais pas à distance, parce que c'est simplement que ça nous ramène à la fiction. Je veux dire, il y a une dimension de fiction, j'imagine, de fiction autour de tout ça. Il y a peut-être des libertés qui sont prises et le reste, mais les photos nous renvoient que ben, ce qui nous est présenté, ce qui nous est raconté, c'est d'abord et avant tout la réalité de cette personne, la réalité de cette famille, et ça vient de ce fait, je crois, enrichir aussi la proposition, enrichir un peu le récit. J'ai lu certaines critiques qui disaient, ben, peut-être que ça tombe un peu dans le voyeurisme, mais d'un autre côté, je trouve que ça ajoute d'autres dimensions à l'histoire et en même temps, ça nous permet de bien comprendre ou de bien percevoir quand on parlait de cette différence qui était perçue par les gens, par les observateurs, au malheur ou au grand dam de la famille. Eh bien, ça nous permet de comprendre sur qui se portait ce regard-là et en même temps de détailler peut-être un peu le dessin. Mais surtout de nous rendre en fait d'autant plus palpable peut-être humainement l'expérience qui est proposée dans ce bouquin. Alors voilà, en fait, je mentionne ça au passage. Peut-être un peu, ça vous semble un peu épars comme intervention, j'en conviens, mais reste que d'une manière ou d'une autre, c'est un ouvrage riche et un ouvrage qui mérite sans aucun doute d'être lu, d'être consulté, d'être découvert. Alors, sur ce, je reprends ma salive de manière assez proactive et on repart en musique avec Poke 1170 et on écoute un autre extrait donc de leur album Vertigo. On poursuit toujours à la vie en BD. Album d'ailleurs, si vous aimez ces sonorités, qui est disponible sur l'étiquette 8-Bit People, étiquette web. Et enfin, on ne sera pas en mesure de mettre la main sur Stéphane Gravel cette semaine, malheureusement. Encore à venir, cela dit, on aura les suggestions de Marco Duchesne et de Nicolas Fréret. Et on poursuit peut-être un peu avec les miennes. J'en profite, j'ai du temps pour moi. Et on était un peu justement dans des situations... d'émotivité peut-être, de réception émotive, je parlais de postpartum tout à l'heure, parlons de dépression brièvement. C'est vraiment du rattrapage, en fait. Je pense que cet album-là, il est sur ma liste de « il faut que je vous en parle » depuis l'automne dernier. C'est une réédition, remarquez, donc peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de parcourir ce récit. C'est Mécanique Générale qui proposait à nouveau donc 12 mois sans intérêt, journal d'une dépression de Catherine Lepage. Donc réédition d'un ouvrage qui avait connu une belle réception, je crois, il y a quelques années de ça. Et réédition qui a amené vers moi, d'ailleurs, cet ouvrage, qui est à mi-chemin, je dirais, plus vers le livre d'art que la bande dessinée. Donc, c'est un éditeur de BD, mais ça aurait pu être dans d'autres types de collections. Je pense que, d'ailleurs, en fait, c'est chez Somme Toute qu'avait été édité l'autre livre qu'elle a fait. Je pense que c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Bref, dans ce cas-ci, ça se retrouve chez un éditeur BD, mais il faut savoir, quand on prend ce livre-là, qu'on se retrouvera plutôt avec en main un journal. Donc, on n'est pas dans le récit classique BD avec des bulles et le reste. À la limite, côté esthétique, on se retrouverait peut-être un peu plus dans un truc comme 365 jours de Julie Doucet, mais sans le côté trash, plutôt avec un côté sombre. Dans la mesure où ce que Catherine Lepage évoque, c'est une plongée dans le noir, au bout du compte. C'est une façon peut-être pour nous qui n'avons pas vécu de situation de dépression, de saisir peut-être d'une certaine façon, de saisir la nature de l'émotion qu'on peut ressentir quand on se retrouve dans cet état, quand on se retrouve dans cet état psychologique. Alors, elle le fait avec inventivité, elle le fait avec sensibilité, là, vraiment. Donc, c'est raconté en images, c'est raconté en photomontage, en bricolage, en collage. Donc, c'est vraiment, je veux dire, esthétiquement, c'est d'emblée, c'est très beau. Évidemment, c'est pas une beauté lumineuse. On est quand même dans un bouquin qui parle de dépression. Donc, l'imagerie autour du livre respecte la nature du sujet, la nature du propos qui est proposé. Et on illustre donc cette période sombre-là en évitant complètement, en faisant exit sur le récit linéaire classique. Alors, elle compile ses impressions successives dans un recueil. Elle commande des dessins, elle retouche des photos, elle écrit des petites phrases, elle en tape d'autres, elle utilise plusieurs polices, lettrage, etc. Donc, chaque page est une surprise. Et c'est vraiment, dans le fond, l'émotion ressentie qui devient le fil rouge de ce récit, au-delà, justement, d'une certaine unité graphique. Donc, chaque page qui illustre un moment, qui illustre une impression, qui illustre une pensée. Il n'y a pas de chronologie là-dedans. C'est un journal un peu éparse, d'une certaine façon. Et ça fonctionne. Parce que finalement, ça nous permet de rien de moins que de plonger dans l'esprit de l'auteur à ce moment-là, voir un peu ces 12 mois dans lesquels elle a vécu, elle a côtoyé la dépression. Donc, les pages viennent nous toucher, viennent nous émouvoir, se renouvellent notre regard là-dessus, renouvellent notre perception de ça. Et évidemment, à travers ça, il y a aussi une dynamique de, certes, de nouveauté, comme je le disais, mais il y a aussi une dynamique de répétition. Parce qu'évidemment, la dépression, c'est pas quelque chose qui évolue, qui progresse, c'est plutôt quelque chose qui tourne en boucle de ce que j'en ai perçu. Et à un moment donné, ça devient un mantra, ça devient des discours, des mots, des pensées qui reviennent comme ça, qui circulent et qui repassent. Et c'est un peu ce qu'on découvre aussi au fil de ces pages-là. Donc, elle répète ce sentiment de vide, ce sentiment de culpabilité. Et donc, il y a une partie du discours qui tourne, mais justement, et là je reviens à ce que je disais au départ, la force qu'elle a, c'est son inventivité. Et à travers ça, elle réussit à nous faire comprendre cet aspect roue qui tourne de pensée, mais elle renouvelle quand même la façon à travers laquelle elle présente. Donc, il y a une espèce de continuité dans le discours, mais donc de renouvellement dans l'image. Donc, pour illustrer ce mal. Donc, ça fonctionne de ce côté-là, évidemment. En fait, il y a aussi tout de même là une fin à tout ça, une note d'espoir, une sortie du tunnel qui reste prudente, qui reste mesurée, qui reste subtile et qui nous amène, en fait, vers quand même une fin. On sait qu'il y a possibilité de s'en sortir, justement, sans nécessairement dire qu'on retombera pas là-dedans par la suite. Mais donc, vraiment, ça fonctionne. C'est un témoignage qui est poignant, c'est intimiste. Ça nous permet, comme je disais, de comprendre peut-être un peu, justement, le processus émotif autour de ce mal-là. Et, en fait, voilà, ça mérite aussi d'être lu. Donc, vraiment, en fait, si vous avez eu l'occasion, si vous n'avez pas vu ce livre-là, feuilletez-le. Et si vous l'avez feuilleté, vous allez comprendre ce que je veux dire par la richesse graphique de tout ça. Alors, ça s'appelle « 12 mois sans intérêt, journal d'une dépression ». C'est de Catherine Lepage et c'est chez Mécanique Générale. Il me reste peut-être un petit 2 minutes et je vais complètement changé de sujet. Simplement pour vous mentionner, c'est aussi du gros rattrapage. En fait, je pense il y a 2 semaines de Winchless In God We Trust au requin marteau. J'avais mis la main aussi sur Émile Bravo, Le Jardin, toujours au requin marteau également. Histoire, en fait, de, disons, plutôt une série de courtes histoires avec certaines qui reviennent comme ça, histoires muettes parfois, histoires au contraire très, très, très chargées de texte, avec un dessin un peu plus caricatural, des histoires absolument délicieuses. Ça commence d'ailleurs, la première donne un peu le ton. Un père de famille de bonne volonté qui propose à sa femme et à sa fille de leur cuisiner un petit plat qui va les changer du traditionnel hamburger. Il ouvre un bouquin de recettes à la page de poisson, découvre la liste des ingrédients, se rend compte qu'il n'y en a aucun disponible, se met à essayer d'aller la chercher, la poissonnerie est fermée, il peut pas y aller, il se ramasse à aller pêcher sur le bord de la rivière, rentre à la maison avec le poisson, mais finalement, en fait, d'autres situations qui l'amènent à ne pas pouvoir, finalement, faire ce plat.

produit des ouvrages pour les gigs, mais vraiment les gigs, là, avec une espèce de précision, une espèce de volonté de faire, de rendre les livres pour les gigs vraiment des bibles, des livres de référence majeurs sur des différents sujets. Séries télé, films, personnages célèbres, et ils ont de temps en temps des livres sur la bande dessinée européenne. Et celui qui vient de rentrer en librairie cette semaine s'appelle L'Anthologie de la bande dessinée d'humour. Donc la bande dessinée d'humour, on parle des bandes dessinées à gag, des choses comme ça? De toutes les bandes dessinées où il y a de l'humour. Et ce n'est pas juste une anthologie, c'est-à-dire, c'est pas juste une compilation d'extraits de bandes dessinées. C'est Vincent Bernière, l'auteur de cet ouvrage, il va avec une introduction qui est une histoire majeure de la bande dessinée, c'est-à-dire de la bande dessinée depuis ses débuts. On parle de Rudolf Toffer à la fin du 19e siècle. Et il se rend jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette compilation comprend plusieurs pages de chaque extrait, des pages qui vraiment sont ciblent bien qu'est-ce que c'est. Et il fait un panorama de la BD internationale d'humour. Et avec chaque extrait arrive une biographie de l'auteur, arrive aussi avec une situation de la BD dans son temps, et au moment où elle paraît, quelle était la société. Bref, on ne constate que l'ouvrage est vraiment un ouvrage de référence. Je sais qu'on se dit tout le temps, est-ce que l'amateur moyen va s'y retrouver? Est-ce qu'il va y avoir un intérêt pour lui à lire ce genre d'ouvrage? Ben, je te dirais que oui, à cause des extraits choisis. La compile est vraiment une compile... les extraits, sont pas juste quelques pages. C'est vraiment chaque extrait, chaque exemple de BD est assez long pour qu'on ait une idée franche de ce que c'est et de qu'est-ce que pourquoi ça a marqué la bande dessinée d'humour. Et là, tous les grands noms y sont. Ça va de Gottlieb, en passant par les Schtroumpfs, Tintin, l'humour dans Tintin, Astérix, mais aussi au début du siècle avec Harry Mann et son Crazy Cat, Popeye, la famille Klesmerner. Bref, c'est vraiment c'est à la fois une anthologie de la BD d'humour, mais c'est aussi à la fois une histoire, une grande histoire de la bande dessinée internationale. Oui, j'ai l'impression que c'est ce genre de compilation-là, on peut les recevoir un peu, soit comme justement ben, une occasion de plonger dans un univers et de découvrir des références, on peut dire, des lectures qu'on pourra approfondir en fonction justement du sampling, si on me permet l'anglicisme qu'on a fait. Et de l'autre côté, c'est aussi des ouvrages formateurs où on apprend à porter un regard sur la BD, sur sa construction, sur ce qui fait qu'elle fonctionne, sur son histoire, etc. Tout à fait. Quand je disais que l'amateur pouvait s'y retrouver dans le sens qu'il pouvait le consulter pour se donner des nouvelles idées, des nouvelles pistes pour découvrir de nouveaux auteurs. Mais même moi qui, depuis, je sais pas moi, 30 ans, où je lis de la BD, où je lis des ouvrages de référence, à la lecture de cet ouvrage-là, j'ai découvert de nouvelles choses. Alors, je pense que ce genre d'ouvrage-là est vraiment... vient vraiment enrichir notre bibliothèque de livres de référence sur la BD. D'ailleurs, Huguenin et Mugin, là, j'arrive pas à prononcer. Huggins and Muggins. Ouais, Muggins. Alors, c'est eux qui nous avaient donné, je t'avais parlé de deux ouvrages qui étaient parus avant, un sur les vilains dans la bande dessinée, et ils en avaient produit un autre qui était les filles dans la bande dessinée, les héroïnes dans la bande dessinée, et tout ça était vraiment là d'une grande, grande, grande qualité. Alors, cette maison d'édition-là vraiment produit de très beaux ouvrages de référence. Et parallèlement, Marco Duchesne, dans tes propositions cette semaine, il y en a un autre aussi de ce même éditeur. Ben, un tout petit, celui-là, je me l'étais gardé à la fin pour... c'est un peu un clin d'œil, mais maintenant que t'en parles, toujours cette maison d'édition-là, Huguenin and Mugin, produit de petits livres, traduisent de petits livres qui s'appellent graphiques. On en a vu en côté politique, côté économique, côté cinéma. Alors, ici, ils produisent un petit truc qui s'appelle Super Graphic. C'est un truc c'est des graphiques dans le sens, dans le sens tableau, etc. Les ventes, okay. La répartition des comics par éditeur sur le marché, mais ça va aussi jusqu'à faire des cartes avec les villes imaginaires où se situent les villes comme Metropolis, comme Gotham City, comme Central City. Ça va aussi du fait de, ça nous montre aussi les proportions des couleurs primaires chez les super-héros, des couleurs secondaires chez les super-vilains. Ça montre aussi les proportions. Exemple, il y a un graphique qui montre combien de fois entre Flash et Superman il y a eu de... lequel des deux allait plus vite. Okay, tout c'est de la recherche et fouillé. C'est des geeks qui ont fouillé ça. C'est dans quel numéro... tout ça est prouvé, tout ça est ancré dans des références très concrètes de numéros des comics dans lesquels apparaissent les victoires. Là, je te cite les victoires de qui est le plus rapide entre Flash et Superman. Dans quel numéro c'est arrivé? Donc, c'est hyper détaillé. C'est à la fois très amusant. Ça va de jusqu'à le Punisher a fait combien de victimes au cours de sa vie de comique. Oui. Je pense qu'il dépasse les 48 000 personnes tuées. Et c'est vraiment, c'est amusant, mais en même temps, on apprend un tas d'affaires juste à la consultation de ces fameux graphiques. Les albums, le petit livre est très coloré et c'est vraiment un truc de table de cuisine, table de salon, comment on les appelle, coffle table, ouais. Et quand les tables de salon où on laisse traîner l'ouvrage et on le consulte de temps en temps pour une chose ou l'autre. Oui, puis c'est amusant. En fait, il y a des éléments comme ça, j'imagine. En fait, tu mentionnais les couleurs primaires, couleurs secondaires. Je veux dire, en termes de choix graphique, le fait de le savoir, j'y avais pas pensé. C'est intéressant de voir un peu ça nous fait penser justement à l'idée de la colorisation et le reste. Donc, il y a des réflexions plus sur le style, la mise en scène. Il y en a d'autres, c'est un peu plus ludique aussi. Et quand je te disais, il y a le travail qu'a fait, il s'appelle Tim Leong. Tim Leong, à la fin de la consultation de cet ouvrage, je me suis dit, il n'y a pas de vie, là. Ce gars-là a dû passer des... Parce qu'à un moment donné, il y a tous les crossovers qu'on appelle, toutes ces histoires de chez Marvel où les personnages s'entremêlent dans leur série respective. Et il a fait des liens. Écoute, c'est absolument hallucinant de voir le travail de recherche qu'il y a dans ce petit ouvrage-là. C'est fascinant. Alors, c'est un petit ouvrage à consulter comme ça de temps en temps, là, mais vraiment amusant, mais aussi assez intéressant. Alors ça, on parlait donc de l'anthologie de la BD d'humour et de Super Graphique, donc tous les deux chez Huggins and Muggins. Et autre titre, dernier titre pour cette semaine, La Révolution Pilote. Écoute, ça là, c'est dans la lignée de la nouvelle BD, ce nouveau courant, ce nouveau genre qu'a instauré la BD depuis quelques années, qui est la BD de reportage. On sait que Joe Sacco s'est promené en Palestine et a fait ses reportages en bande dessinée. Et là, ça a instauré un genre qui maintenant commence à devenir de plus en plus populaire. Certaines revues d'actualité insèrent de la bande dessinée pour faire leur reportage. Beaucoup, Futuropolis, la maison d'édition, aussi a produit des titres qui sont absolument des reportages où des dessinateurs ou des journalistes et dessinateurs partent dans des coins du monde et nous rapportent reportages en BD. On peut penser simplement, au festival cette année, il y a Emmanuel Lepage qui est annoncé, qui va venir, qui a fait une BD reportage en Antarctique. On a eu Mathieu Sapin qui est venu, Guy Delisle, etc. Je te parle de ça parce que Révolution Pilote, 1968 et 72, c'est un peu ça. Un journaliste du nom de Eichmann, aidé d'un dessinateur qui s'appelle Nicobi, qui nous avait donné l'entrevue avec Fournier, ce petit album où il était parti aller rencontrer Fournier dans son atelier. Il nous avait raconté son aventure avec toutes les années où il avait passé à faire du Spirou et Fantasio. Alors, Eichmann et Nicobi ont eu l'idée d'interviewer les personnages, les dessinateurs et auteurs clés d'un événement qui s'est passé chez Dargo, en fait, chez Pilote. À la naissance de Pilote, Goscinny et Uderzo et Charlier voulaient faire de la bande dessinée un peu plus adulte, en instaurant, entre autres, en commençant la revue avec Astérix. Et tout au long de ses premières années, Goscinny voulait vraiment rendre la BD un peu plus adulte. Et semble-t-il, est arrivée une réunion où des auteurs se sont rebellés contre Goscinny, voulaient sa tête, cette fameuse réunion aurait été le départ de la BD adulte qu'on connaît aujourd'hui. Alors, Eisman et Nicobi partent et vont interviewer Gottlieb, Fred, Druyet, Bretéché, Mandrika et Giraud, qui font, ont fait partie de pilotes et qui ont assisté à cette fameuse réunion. Eichmann en fait une obsession tout au long de cette enquête, et toute l'enquête est dessinée. Chaque entrevue, Nicobi, chaque entrevue, le dessinateur Nicobi raconte en BD l'entrevue, mais en s'adaptant à l'univers de chacun. Donc Gottlieb, ou Fred avec l'univers un peu Philémon quand il interviewe Fred, Druyet, l'univers de Druyet un peu désarticulé, un peu éclaté comme le faisait Druyet. Et chacun, mais ces entrevues-là ont le bénéfice d'être faites par des auteurs qui ont beaucoup atteint une maturité, qui sont un peu plus vieux et qui ont un regard un peu plus objectif sur cette fameuse réunion, cette fameuse, je dirais, ce tribunal, parce que cette réunion-là où Goscinny, où les dessinateurs voulaient la tête de Goscinny, s'était transformée, semble-t-il, selon l'opinion de Gottlieb, en tribunal du peuple, qu'il appelle. Mais ce qui en sort de ça, c'est que oui, cet événement-là a fait en sorte que Gottlieb, que Pilote est devenu la revue pour BD adultes, mais les départs de certains, comme Mandrika, comme Bretéché et Gottlieb, ont créé, par la suite, après leur départ de Pilote, ont créé Écho des savanes, Fluide glacial et tout le reste. C'est vraiment un moment marquant de l'histoire de la bande dessinée franco-belge. Oui, et ce qui en sort aussi, c'est tous ces auteurs-là, malgré le fait de les événements qui sont arrivés entre 68 et 72, ce qui en ressort du général de ça, c'est que ces auteurs-là ont une admiration sans borne pour Goscinny, et tous et toutes concluent au fait que c'était un génie. C'est un ouvrage absolument à lire pour l'aspect historique, mais aussi pour l'aspect pour montrer qu'est-ce qui est devenu la BD aujourd'hui. Et ce pourquoi elle est devenue aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Alors, ben voilà. Donc, ça s'appelle La Révolution Pilote. Marco Duchesne, merci beaucoup. Ouais, ça m'a fait plaisir. Puis on se dit à très bientôt. OK, salut. Salut bien. Alors, voilà, c'est les commentaires de Marco Duchesne. Quelques suggestions BD pour cette semaine. Et on repart, nous, en musique, toujours avec cet album Poke 1170, donc l'album Vertigo. Alors, toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Et au bout du fil, maintenant, on est en compagnie des chroniqueurs BD chez Canoë.ca. Nicolas Fréret, bonjour. Salut, tout le monde. Alors, on fait quelques BD dans ta besace cette semaine. Je t'ai invité à venir nous en parler, échanger un peu là-dessus. Et notamment, j'ai envie de te lancer immédiatement sur... je l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le lire. J'avais beaucoup aimé les deux premiers, La colère de Fantômas, tome 3. Est-ce que ça finit bien, le triptyque? Ouais, ben ça finit en beauté. J'aurais vraiment été étonné du contraire. Ça finit tambour battant. Alors déjà, ça allait vite, mais dans le troisième et dernier tome, ça accélère. Il y a des morts de partout. Fantômas, qui est donc le génie du crime par excellence, le super vilain, l'un des premiers, si ce n'est le premier. Je suis pas un grand expert en la matière, mais il me semble que ça fait partie des premiers super vilains. Il tue à tir larigot et c'est magnifique. On peut parler de ça, parce qu'on parle de mort quand même, de meurtre, par Julie Rochelot qui fait un travail fabuleux. Bon, c'est là aussi dans la continuité de ce qu'elle avait fait sur les deux premiers. Mais je trouve vraiment qu'elle arrive à imposer sa patte et à faire de cette œuvre-là quelque chose de tout à fait singulier et unique, alors que Olivier Bocquet et Julie se sont inspirés de Thomas, qui est l'un des personnages qui a tout inspiré. Il y a eu un nombre d'adaptations assez fou à tous les niveaux, que ce soit au roman ou même à la télé ou au cinéma. Oui, ben en fait, je pense en fait c'est l'élément qui frappait Nicolas au premier album. Je veux dire, déjà il y avait quelque chose au niveau visuel qui était très fort et j'avais l'impression même que par moment le visuel prenait le dessus sur le narratif. On regardait l'album avant de le lire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le genre capable de regarder sans lire, exactement comme vous venez de le dire. C'est très beau, c'est très noir aussi. Hein. Mm. Elle joue avec le noir à la perfection. Et en fait, elle arrive à mettre sa couleur. Toutes ses couleurs sont, je sais pas comment dire, flamboyantes. Elles sont comme renforcées par tout le noir qu'elle met dans les cases. Et c'est encore peut-être plus vrai dans ce troisième tome. Elle joue beaucoup. Il y a toute petite case qui amplifie le phénomène de rapidité. On sent qu'on arrive sur la fin de l'histoire et puis ça accélère jusqu'au bout. C'est ça. Je pense que c'est vraiment le genre de. Je viens de le dire, donc c'est un peu tôt, mais c'est le genre de bande dessinée que l'on peut relire fréquemment sans se dire oh, je m'en souviens vraiment bien. Non, on peut facilement oublier, et puis le dessin et la qualité du dessin aident vraiment ça. Puis je vois, je pense que on a vraiment à attendre de cette dessinatrice là. Elle est toute jeune et je pense que ça va donner de bien belles choses dans l'avenir. Et sinon, autre titre, après cette colère de Fantômas, donc troisième tome, BD qui était quand même assez attendu, plus un recueil hommage, la BD Charlie, en fait, tu as eu l'occasion de le parcourir, j'ai pas encore eu l'occasion de mon côté, est-ce que ça ajoute, au-delà justement de cet hommage, quel regard tu portes un peu là-dessus? Ben, je dirais que ça va cristalliser l'hommage, parce que, en gros, ce sont tous les dessinateurs dans la foulée, dans les minutes qui ont suivi, dans les heures et les jours qui ont suivi, ont eu besoin de s'exprimer, chacun avec leurs armes, leur humour, leur mauvaise foi, leur voilà, et chacun y est allé de ses dessins. Et puis tous les éditeurs, une grande partie des éditeurs européens se sont rassemblés, je pense que c'est une première, pour réunir en fait tous ces dessins, enfin en tout cas en faire une sélection de ces dessins. Il y en a 200, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Voilà, peut-être la substantifique moelle de ce que le drame a donné en créativité. Et voilà, c'est un hommage en ce sens-là. Je l'ai pas eu entre les mains. Je veux me l'acheter parce que c'est vrai qu'en tant que journaliste et critique, on reçoit des bandes dessinées gratuitement. Euh, celle-ci, fort heureusement, n'est pas en service de presse. Donc, je l'ai vu en PDF, mais par contre, je me fais un point d'honneur à l'acheter, évidemment, puisque tous les bénéfices des ventes va être remis aux familles des victimes des attentats, que ce soit à Charlie Hebdo, mais aussi des joueurs dans le restaurant, dans l'épicerie cachère, etc. Les 17 victimes de ces deux jours complètement fous, les 7 et 8 janvier dernier. Donc voilà, je pense que c'est un livre à avoir, parce que tous les dessins sont pas bons. Je vais être honnête, il y en a qui m'ont... Voilà. Mais c'est souvent le cas, hein, quand on parle de caricature, ça parle ou ça parle pas, et il y en a d'excellents. On retrouve dedans beaucoup d'auteurs, je pense notamment à Guy Delisle, et étonnamment, les meilleurs dessins, je vais pas les décrire, ça sert à rien, mais les meilleurs dessins ce sont des dessinateurs qui m'étaient complètement inconnus. Et donc, une façon, comme tu dis, en fait, pérenniser l'hommage, dans le fond, au-delà justement de ces moments, de lui donner une portée un peu plus longue, de le placer, de le cristalliser, je pense que le terme était bon. Hein. Et puis de se souvenir aussi, là c'est très frais, mais dans quelques années, même si c'est un événement qui passe à l'histoire, en tout cas pour les Français, ce livre-là va rester. Et cet hommage-là ce livre-là permettra à l'hommage de perdurer dans le temps et de se souvenir. Enfin, c'est le but d'un hommage, en fait. Et prochain titre, Kersten, médecin d'Himmler. Fascinant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, et puis très honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire-là, parce que c'est une histoire vraie. C'est un médecin massothérapeute qui a fait des études de massothérapie à une époque où c'était pas vraiment des pratiques extrêmement courantes. Donc on est en pleine guerre, hein, Seconde Guerre mondiale, et Heinrich Himmler, donc le numéro 2 des nazis, celui qui est en charge de mettre l'extermination des juifs voulue par Hitler en ordre de marche, souffre de maux de ventre terrible, qui le mettent dans un état de stress et puis de nervosité absolue. Il n'est pas capable de se concentrer quand il souffre comme ça. Et il fait venir ce docteur pour le soigner, parce qu'il en a entendu parler. Il est recommandé. Et effectivement, le docteur Felix Kersten, qui est un Finlandais, parvient à le soulager. Et se crée quelque chose de très spécial. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est une histoire vraie, même si je j'ai bien compris qu'il y a des petites adaptations, des petites choses comme ça qui sont probablement pas totalement véridiques. Mais il y a une relation qui se crée entre un médecin qui n'a absolument pas envie de toucher à un nazi qui est en train de d'exterminer ouvertement et avec fierté en plus. Tous les juifs d'Europe. Mmh. Et puis ce chef de guerre qui est complètement à la merci de ce médecin. Et du coup, il y a un espèce de pacte avec le diable qui se crée entre les deux hommes, puisque le médecin refuse de se faire payer. La seule façon qu'il utilise, il le fait marchander, en fait. Il demande des faveurs à Himmler. Et c'est comme ça que, et ce sera l'objet du deuxième tome, c'est un diptyque que j'ai hâte de lire, c'est comme ça que ce médecin va sauver 60 000 juifs, ce qu'on appelle injuste dans l'état de sa splendeur. Hein. Il va réussir à décommander, je trouve pas mes mots, mais il y a une déportation, une extermination qui allait être faite de juifs polonais. Et il arrive à dire à Himmler, on ne peut pas, il faut tout arrêter. Et chose rare, Himmler arrête. Et ça, c'est vraiment fascinant. On est sur, au niveau du dessin, sur quelque chose de très classique, de la ligne créative. Oui, des fois, enfin, on dirait que... Pardon, pas créative, réaliste. Oui, en fait, des fois, j'allais dire, en fait, quand le récit est riche, le dessin, on ressent moins le besoin que le dessin invente ou pousse... C'est ça. Oui, c'est exactement ça, et effectivement, on oublie le dessin, et c'est presque l'inverse. Je veux pas faire injure à Bokeh pour La colère de Fantômas, mais c'est presque l'inverse que La colère de Fantômas. Là, le dessin se met en retrait et finalement au service de l'histoire, qui est une histoire vraiment forte et encore plus forte. C'est souvent le cas quand on prend la mesure des faits réels, en fait, de cette histoire de fou. Donc ça, je le conseille vraiment, parce que c'est vraiment c'est une histoire intéressante, historique, mais en plus c'est passionnant et c'est voilà, on dévore ça. Il n'y a pas besoin de dire plus que ça. Voilà. Alors ben, ça s'appelle Kersten, médecin d'Himmler. Nicolas Fréret, merci d'être passé. Avec plaisir. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine, Raymond. Salut. Bien. Alors voilà, donc Nicolas Fréret, je rappelle, le chroniqueur BD du côté de canoë.ca. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. C'était Raymond Poirier au micro avec vous, donc vendredi prochain, évidemment, pour une autre édition de La Vie en BD. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1.